Guillaume Demers, bonjour. Bonjour. Alors Guillaume, sortie toute récente, donc Jérémy a le cœur qui tourne, donc nouvelle bande dessinée que tu nous offres chez Espoir en Cannes. Peut-être je te laisserai le bénéfice de nous la présenter, nous dire un peu les grandes lignes de ce que tu nous proposes. Bon, d'accord. Alors, c'est toujours un défi. Oui, ça commence bien l'entrevue. C'est une bande dessinée, en fait, qui m'est venue tranquillement à force d'enseigner la bande dessinée dans la ville de Québec un peu partout. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de jeunes, des enfants, des préadolescents, adolescents, qui avaient des défis particuliers à surmonter, donc de l'ordre du trouble d'attention, d'hyperactivité ou d'autres problèmes, finalement, qui pouvaient nuire à leur présence en cours, puis tout ça. Donc, beaucoup de discussions avec les parents, beaucoup de mises à jour à faire avec eux par téléphone, par courriel, tout ça, pour finalement me rendre compte qu'il y avait une bonne flopée d'enfants autour de moi qui étaient aux prises avec des problèmes qui étaient, ma foi, bien grands pour des jeunes de cet âge-là. Et puis, tranquillement, cette idée-là d'avoir un héros, finalement, qui puisse représenter ces difficultés-là pour eux m'est venu. Puis, de fil en aiguille, ben, c'est Jérémy qui est apparu avec son cœur mécanique qui tourne trop vite. Et l'idée peut-être du cœur mécanique, parlons-en un petit peu, dans la mesure où j'ai l'impression que ça permet d'expliquer la différence, en fait, de marquer visuellement la différence de cet enfant-là par rapport aux autres enfants de son groupe, mais également d'illustrer de manière assez précise les effets du TDAH, associés du moins à ces troubles-là, de manière aussi assez concrète pour les gens qui parfois peuvent pas nécessairement saisir le côté abstrait de ces troubles-là. Ben, je suis content que tu le relèves parce que, bon, j'ai travaillé un peu avec une orthopédagogue pour essayer de cerner les caractéristiques les plus fortes chez certains de ces enfants, celles qui pouvaient finalement représenter leur sentiment intérieur ou de représenter aussi les clichés en même temps que les gens identifient à ces enfants-là pour que autant la personne aux prises avec des problématiques du genre ou la personne qui côtoie des enfants ou des adultes qui ont des troubles d'attention ou autres troubles puisse reconnaître. Donc, on a travaillé ensemble justement pour pouvoir travailler bon, sous forme d'allégorie, évidemment, là, ici, mais pour que l'identification, surtout chez les plus jeunes, se fasse de façon douce et non pas de façon pointée. On voulait pas nommer TDAH dans cette bande dessinée-là. On voulait vraiment y aller d'une façon beaucoup plus imagée pour rester dans un monde fantastique, bref. Oui, puis enfin, en même temps, permettre peut-être une identification plus naturelle avec la réalité que ce personnage-là va vivre. Tout à fait, tout à fait. Et en même temps, qui s'insère aussi, je le mentionnais, dans une dynamique de recherche pour Jérémy, en fait, qui veut être dans le groupe, qui veut faire partie du groupe. Il y a une dynamique de rejet, d'intimidation aussi qui vient s'installer, donc qui est un peu corollaire, si on peut dire, à la réalité du TDAH que tu as choisi de présenter. Oui, complètement, parce que ce sont souvent des enfants bon, qui sont marginalisés, autant dans les cours que moi j'avais, qui sont du parascolaire ou des compléments de cours dans les écoles, mais dans leur quotidien à l'école, c'est souvent le cas. Puis, bon, on a installé aussi un personnage qui du nom de Sébastien, qui lui, justement, n'est vraiment pas joyeux dans la classe de Jérémy. Il pourrait très bien s'en passer, puis qui va découvrir tranquillement que il est victime de son problème et non pas qu'il est ce problème-là. Donc, on voulait aussi instaurer une forme de, une amorce de compréhension ou de apporter un peu de compassion, finalement, pour les gens qui peuvent ne pas comprendre du tout ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est difficile à comprendre lorsqu'on n'a pas de soi-même ce trouble-là. Et en fait, toute cette recherche-là, évidemment, vient ancrer dans un côté très réaliste, dans le fond, ce qui est présenté. Mais évidemment, on parle aussi d'un cœur mécanique. Alors, il y a un côté magique, un côté fantastique aussi à tout ça, autour d'un monde dans lequel tu construis aussi une mythologie, une histoire. Il y a une grande tempête qui est arrivée il y a plusieurs années qui va peut-être se répéter. Donc, comment cette mythologie-là est venue se développer, est venue se greffer aussi à ce point de départ-là qui t'avait amené vers Jérémy? C'est toujours un peu de la magie pour moi parce que je sais pas d'où viennent mes idées. C'est un peu des choses qui arrivent et c'est tout. Donc, c'est des idées qui me viennent au fur et à mesure qu'on avance la création. Donc, oui, le petit bonhomme m'est apparu en premier. Donc, c'est lui qui est venu. Puis ensuite, l'histoire s'est construite autour de ça. Mais on a d'abord trouvé... en parlant avec l'orthopédagogue, j'ai d'abord trouvé finalement une sorte de sérum ou d'antidote finalement à ces problèmes avant qu'on identifie ce qui allait représenter notre ennemi, en fait, qui n'est pas cette fois-ci un être humain ou une créature, mais bien une tempête. Donc, on a d'abord trouvé l'élément clé qui était la fleur, donc qui allait pouvoir l'apaiser, parce que ça prenait quelque chose pour l'apaiser, évidemment, dans ce récit-là, puis il fallait un peu l'enfermer dans un symbole. Donc, en trouvant ça, puis après ça, en pensant à ce que la fleur pouvait aller changer, donc le vent, le pollen, tout ça, donc c'est le vent qui est venu s'imposer, surtout que c'était aussi le vent dans ce village-là qui pouvait venir un peu foutre la merde à travers tout le village. Donc, c'est lui qui s'est imposé finalement après qu'on ait trouvé l'antidote. Exactement. Donc, on est vraiment parti des réalités, du réalisme dans le fond, donc du terrain, des réalités terrain pour essayer de construire l'univers autour, pour essayer de voir de quelle manière on pouvait créer un contexte géographique, un contexte social dans lequel ces éléments-là vont pouvoir se retrouver, puis dans lequel ces éléments-là vont pouvoir s'exprimer. Et j'ai l'impression que le côté fantastique aussi, on le mentionnait d'entrée de jeu, mais ça permet justement d'éviter d'y aller à gros traits de voici c'est telle affaire, voici on fait un symbole. Non, on est dans le magique et c'est peut-être un peu plus vers la fin ou en lisant les quatrièmes de couverture et le reste qu'on redécouvre ou qu'on est retenté peut-être de relire le livre pour voir un peu ce que le côté orthophonie dans le fond est venu y placer. Oui, je pense que c'est quand même... un récit qui est beaucoup dans l'ambiance. C'est assez volatile, là, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, parce que on ne nomme pas les choses, comme tu dis, on les pointe pas, on les souligne pas à gros traits. Puis je pense que dans les dernières pages, puis même quand on relit la quatrième de couverture, il y a beaucoup de choses qui se précisent tout d'un coup ou qui viennent être confirmées pour le lecteur. Puis bon, ça se termine avec un à suivre, donc on comprend qu'il pourrait y avoir autre chose. Mais... Il y a quand même beaucoup d'ouverture dans ce récit-là, puis c'était difficile pour moi de venir doser la bonne quantité de mystère versus ce qu'on laisse au lecteur, donc pour qu'il y ait justement assez de brouillard, mais assez de lumière aussi dans le récit pour qu'on puisse s'attacher à quelque chose, s'agripper à quelque chose finalement. Oui, puis en fait, dans le contexte mythologique, c'est toujours aussi important, j'imagine, d'avoir l'impression que nous, comme lecteurs, on en sait un peu moins que toi comme auteur. Oui. Et j'imagine, Guillaume Demers, que tu t'es amusé un peu à bâtir aussi une mythologie à ce village-là, à cette île-là. De plus en plus, en fait, parce que, au fur et à mesure que j'avançais le récit, puis tout ça, il y a des choses qui se précisaient dans ma tête, puis il y a des personnages, finalement, qui trouvaient de nouvelles fonctions. J'imagine que c'est la même chose pour tout auteur dans tout travail créatif. Donc, ça se précise. C'est en mouvance toujours. Puis, oui, il y a plein de choses que j'ai envie de raconter très bientôt parce que je connais ces personnages-là puis je sais qu'est-ce qui va leur arriver. Donc, ça se construit tranquillement. Puis, ça devient très plaisant d'avoir un peu comme tout un village, comme tu le dis, comme terrain de jeu pour pouvoir planter ce décor-là puis l'action parce que c'est comme si je m'étais permis tout un univers fermé qui était juste à moi, finalement, que j'allais construire puis que j'allais mettre de l'avant. Mais oui, c'est très plaisant. Oui, puis où on peut éventuellement retrouver Jérémy, qui est au cœur de cet album-là, évidemment, mais éventuellement d'autres personnages. J'imagine qu'on crée une carte, qu'on se crée presque une maquette aussi pour savoir, pour les déplacements, je veux dire, il faut que ça soit cohérent d'une case à l'autre, d'une planche à l'autre et le reste. Oui, il y a une carte qui a été faite... qui a été faite à rebours là, avant que je commence le travail sur le livre pour, comme tu dis, les raccords puis les déplacements pour que le lecteur ne s'y sente pas perdu ou du moins pas trop. Donc ça a été fait, c'est un travail assez laborieux, puis quand on le regarde avec du recul, on se rend bien compte que ce village-là est peut-être trop petit pour ce qu'il contient, mais c'est un travail qui est nécessaire puis qui permet aussi d'avoir la même base finalement pour tout le monde, les lecteurs, les auteurs, tout ça. Puis je trouvais qu'il y avait une belle progression aussi dans ce que tu amènes à l'intérieur du livre en termes de réalisme versus magie, si on peut dire. Dans la mesure où on commence, où l'élément, entre guillemets, magique, c'est Jérémy lui-même, c'est son cœur mécanique, mais tranquillement, il y a d'autres éléments qui viennent s'ajouter, il y a une mythologie qui consent, mais tu prends vraiment le temps quand même d'établir de manière réaliste l'univers dans lequel Jérémy gravite avant de commencer à bonifier. Donc, est-ce qu'on essaie de rythmer ou on est un peu allé d'instinct dans le dévoilement, si on peut dire? Ben, je pense que c'est volontaire, au sens où, personnellement, moi, je suis un grand consommateur de fantastique, puis c'est une des fonctions du fantastique le fantastique pur et dur, là, où le doute, finalement, subsiste presque jusqu'à la fin des récits, où on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on est complètement dans un monde imaginaire ou c'est dans la réalité, puis il y a un personnage qui détraque. Donc, de doser ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes dans les éléments fantastiques, afin que le lecteur, finalement, puisse garder un intérêt, parce que on est dans un monde mystérieux, puis trop en dévoiler trop vite, ça, je pense que ça viendrait tuer un peu l'intérêt de la bande dessinée. Oui, puis à la limite, l'immersion aussi, parce que faut que tu établisses les règles de ton univers, faut que tu développes l'univers, surtout en plus dans un premier, première lancée dans une planète comme celle-là, dans un monde comme celui-là. Et en même temps, tu as choisi aussi de séparer ton récit en chapitres quand même assez net, en éléments, ou même avec les pages, les titres, ça nous annonce un peu ce qui s'en vient. J'ai l'impression que ça crée presque une certaine anticipation de, OK, on est rendu, le vent se tourne, mettons, chapitre 3, OK, il va se passer quelque chose, ça s'en vient. Est-ce que c'est pour rythmer le récit ou pour justement créer une dynamique particulière? Oui, pour le rythmer de façon bien nette, mais aussi pour moi pour le structurer, parce que le récit idéal, se canne très bien dans une arc en trois actes finalement. Donc, je trouve ça toujours facile de pouvoir planter un décor jusqu'à venir mettre un élément déclencheur, par la suite mettre l'ensemble des péripéties, puis l'acte final où tout va se dérouler, tout va se jouer finalement à la toute fin. Je pense que ça permet aussi au lecteur de mieux digérer ce récit-là, de l'avoir en partie bien scindé, parce que, comme je le disais tantôt, c'est une bande dessinée qui est quand même d'ambiance, puis qui peut être assez floue. Donc, je pense que la structure, plus elle va être nette, puis plus elle va permettre de bien assimiler ce qui est livré finalement dans le fond, si la forme est bien découpée. Et pour ceux qui avaient lu ton précédent album, Hipster le chat, qui était une œuvre entre guillemets jeunesse, on pourrait dire, Jérémy le cœur qui tourne, on a l'impression qu'il y a des siècles qui ont passé dans la maîtrise du trait, dans le style de dessin. Après ça, on creuse un peu, on voit justement que t'as enseigné beaucoup la bande dessinée, que tu travailles beaucoup d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue illustration. Donc, est-ce que t'as l'impression que c'est vraiment deux étapes dans ton cheminement d'auteur? Je pense que si je n'avais pas rencontré mon éditeur, peut-être qu'on n'aurait jamais vu Hipster le chat, en fait. Je me rends bien compte maintenant que tout le côté humoristique, puis très amusant, très ludique de Hipster le chat, finalement, un peu ironique et tout ça, fait partie intégrante de moi, puis que c'est un côté que je vais continuer à développer avec énormément de plaisir, mais je pourrais pas me passer du côté plus réaliste, plus sérieux, donc, de Jérémy. C'était quelque chose que j'avais envie de mettre de l'avant. Je pense que si j'avais à m'identifier à un de mes deux albums, ce serait Jérémy qui serait le premier à venir, parce que c'est vraiment le style que j'avais envie d'emblée de mettre de l'avant, sans du tout renier ma paternité pour Hipster le chat. Puis en plus, entre-temps, t'es devenu ton propre éditeur aussi, en partie du moins, puisque de l'Espoir en canne qui avait édité Hipster le chat à l'époque, t'es devenu maintenant l'un des co-éditeurs d'Espoir en canne. Comment on travaille entre justement les charges d'enseignement, les charges d'édition, les charges d'auteur? Comment on réussit à combiner ces rôles-là? Je sais pas comment on fait. C'était difficile pour la fin parce que mon éditeur a bien vu que j'avais du jus. J'étais vraiment dans le jus. Donc pour la toute fin de la production de Jérémy, l'impression, le lancement, les activités de promotion puis tout ça qui sont encore toutes fraîches puis qui sont loin d'être terminées. Je pense que j'ai plus agi en tant qu'auteur puis l'éditeur en chef finalement en tant qu'éditeur, puis mon travail reviendra dans quelques semaines là de façon plus assidue pour le côté éditeur adjoint. Mais ça reste une sorte de conflit intérieur pour moi parce que je ne peux pas m'éditer moi-même, je ne peux pas faire de travail éditorial sur ce que je fais, je n'ai aucun recul. Donc, en temps de production, finalement, je suis purement un auteur, puis je m'en remets complètement à mon éditeur qui me conseille là-dedans, qui est un très bon éditeur d'ailleurs. Puis, sinon, pour le travail, ce qui est agréable, le plus agréable pour moi, c'est vraiment de découvrir finalement l'espèce d'envers du décor, en fait. Donc, je suis aussi dans les coulisses, puis ça me permet aussi d'anticiper peut-être de façon plus précise la réception de la bande dessinée, puis d'imaginer mieux le travail de mise en marché, de promotion qui va venir avec cette bande dessinée-là, parce que je joue un peu sur les deux terrains. Puis l'enseignant, lui, est-ce que le fait justement d'apprendre, d'enseigner la BD dans différents contextes, à différentes clientèles aussi, est-ce que t'as l'impression que c'est venu affiner ton travail d'auteur, somme toute? Oui, beaucoup, parce que je, bon Dieu, je quand j'enseigne, finalement, j'ai des choses que je veux montrer, mais j'ai aussi des choses que je leur dis d'éviter, et puis tout ça. Donc, mes recettes se construisent au fil de mes cours. Donc, tout enseignant le dira, tu enseignes, tu apprends en même temps, autant que les enfants, ne serait-ce que par tes recherches, puis tout ça. Puis, ils m'apprennent, eux aussi, mon Dieu, je suis tellement plus dans le coup parce qu'ils sont là. ils m'en apprennent, puis je reste à jour dans tout ce qui est jeunesse grâce à eux. Alors, oui, définitivement, mes cours m'apportent autant, finalement, sur le plan de la création que l'édition. Et avec Jérémy à le cœur qui tourne, c'est une bande dessinée pas mal tout public, mais oui. J'ai l'impression qu'il est quand même pensé aussi avec un jeune public ou un public ben, plus 10 ans et plus en tête un peu, donc à la clientèle qui t'a inspiré au départ, mais voilà. C'est pour eux que tu as écrit ce livre-là. Précisément pour eux, oui. C'est une clientèle, fin de l'enfance, début de l'adolescence, tout ça, parce que c'est eux que j'ai côtoyé, donc c'est l'âge que j'ai donné à Jérémy. Mais il n'est pas impossible que Jérémy vieillisse rapidement dans les prochains tomes. À suivre. Alors, ben, Guillaume Demers, merci beaucoup. Merci à toi. Et je rappelle, en fait, donc, le livre s'appelle Jérémy a le cœur qui tourne. C'est donc scénarisé et dessiné par Guillaume Demers du côté des éditions Espoir en Cannes.